Quand arrive un problème électrique, on est désemparé. On cherche la solution. Alors, ne cherchez plus, il y a les électriciens du Nord incorporés au 1025 Première Rue à l'Ascension. Notre spécialité, les installations résidentielles, commerciales ou industrielles. Une équipe d'expérience qui a plus de 30 ans de présence dans le milieu. Vous le savez, on ne joue pas avec l'électricité. Confiez-le à des pros. Les électriciens du Nord au 418-347-5103 où on fait la vente d'équipements neufs ou usagés. Le personnel et la direction des électriciens du Nord invitent toute la population à participer en grand nombre aux activités de Milo en radio qui se déroulent en fin de semaine. Ça fait longtemps que je voulais lui parler parce que dès que le match à Robertval avait été annoncé, je voulais lui parler pour avoir ses réactions, mais je pense qu'il a été pas mal pris la semaine passée avec le camp estival d'équipe Canada Junior. On va lui parler de ça également. C'est le défenseur des Cataractes de Shawinigan et qui appartient au Prédateur de Nashville, Samuel Girard. Salut Samuel! Salut! Samuel, ta première réaction face à un match à Robertval, tu pensais-tu revenir sincèrement au Centre sportif Benoît Lévesque pour disputer un match? Non, sincèrement, je ne pensais pas à revenir à... en enfance, comme on peut dire. Je ne veux pas tout mon junior-là. Ça va être une belle expérience pour moi. Là, puis, je pense que c'est l'organisation des Saguenay aussi et des Cataractes. On est quand même deux joueurs qui viennent de cette région-là, proche de là, dans le fond, moi et Louis-Philippe. Oui. Il y a Yannick Jean aussi qui vient de proche, puis il y a Claude Bouchard. Fait que, et je pense que c'est une bonne idée que la Ligue a eue, puis les équipes surtout. Là, c'est comme, ouais, je suis très excité de faire partie de cette expérience-là. Hey, les billets se sont envolés. Hugo Malte m'a dit que s'il y aurait eu 1500 billets, ils auraient probablement tout vendu. Es-tu surpris de ça? Es-tu surpris de ta popularité à Robertval? Moi, honnêtement, j'ai posé la question, qu'est-ce qui fait que Samuel Girard est aussi populaire à Robertval? Es-tu surpris toi-même? Ben, tu sais, surpris, je pense pas. Écoute, je pense que c'est la ville de Robertval, c'est une ville qui m'ont toujours supporté, là. Ouais. Puis qui ont toujours cru en moi. Fait que, tu sais, je pense que ils méritent aussi d'avoir une partie que je vais jouer là devant eux. Puis une partie aussi junior majeur. Ça, c'est une belle expérience que Robertval vont vivre, surtout le hockey mineur, puis la ville, là. Mais je suis pas surpris si Robertval, c'est une ville de hockey, là, depuis que. Je suis jeune, ça me suit, puis la ville aussi me suit. Mes amis, écoute, il y a du monde que je connais même pas, tu sais, qui m'arrête, là, qui me disent des choses, qui me félicitent, puis tout ça. Fait que, tu sais, je pense pas que ça me surprend. Je savais que les billets allaient s'envoler très vite. OK. Donc, c'est le 25 août. Ça va être pas mal de fun pour tout le monde, je pense, de voir ça. Alors, on va parler maintenant de ta présence au camp d'entraînement de Team Canada Junior. On a eu l'occasion de te voir, on a eu l'occasion de voir quelques matchs. À la télévision. Comment ça a été dans l'ensemble? Ça a bien été, mais tu sais, écoute, je pense que ce camp-là, là, c'est pas mal plus pour nous déraquer un petit peu notre été, là, puis tout ça, mais Team Canada, ils voulaient voir ce qu'on était capable de faire sur la glace, puis je pense que ça a bien été, là, j'ai démontré qu'est-ce que j'étais capable de faire, mais je sais que je suis capable de jouer mieux que j'ai joué là-bas, là. Écoute, je vais commencer sûrement ma saison avec les Cataractes, puis je vais jouer comme j'ai joué ma dernière année, puis écoute, moi, comme j'ai tout le temps dit, chaque année, je vais être de plus en plus bon, fait que c'est ça que je vais essayer de faire cette année, puis je vais essayer de faire plus d'animation aussi Team Canada dans le mois de décembre. OK, parce que t'as un style pour être vraiment, là. Quoi que c'est à Montréal cette année, les glaces est moins que ce sera en Europe, mais t'as un style pour jouer là-dedans, là, avec ton style vraiment offensif et ainsi de suite. Il y a un défenseur en Ontario qu'on dit qu'il ressemble beaucoup à toi, c'est Victor Mété. Penses-tu qu'on dit que c'est le Samuel Girard de l'Ontario? Penses-tu que Mété pourrait. La lutte pourrait se faire à Topi Mété? Ben là, j'en ai aucune idée, là. Mété, il était pas là au camp. Ah, ok, c'est beau, ok. Qu'on a fait, là, il n'a pas été invité, fait que je sais pas s'ils vont l'inviter au camp à Noël, là, mais. Bon, je pense que nos styles, ça ressemble. On est un peu dans la grandeur, tu sais, notre style de jeu, c'est un petit peu pareil. Fait que, comme tu dis, là, nos styles, ça ressemble. OK. Qu'est-ce qu'on vous a fait faire? Il y a eu des matchs pré-saison qu'on a vus. Ça sert à quoi aussi? Ça sert à évaluer ce que vous en êtes rendu et ainsi de suite. Ceux-là qui sont là, ça, c'est pratiquement assuré que, à tout le moins, d'être au camp d'entraînement à l'hiver. Ben, je ne voudrais pas assurer, là, mais bonne chance. Dans le fond, qui ont été invités là, c'est sûr que c'est OK Canada, on peut les regarder un petit peu pendant la saison. Mais c'est sûr qu'il y en a d'autres qui vont se rajouter, puis il y en a d'autres qui vont se faire enlever de, dans le fond, de l'alignement, comme on peut dire. C'est sûr qu'ils vont skier un petit peu sur le début de la saison, puis après ça, ils vont skier sur le camp d'entraînement qui va avoir lieu au début décembre, puis après ça, ben, l'équipe va être formée pour le tournoi à Montréal, puis donc, OK, mais tu as eu l'occasion de faire des matchs, tu as eu l'occasion de faire des entraînements. Le style est vraiment fort, hein. C'est vraiment, là, on dit que c'est un tournoi de 19 ans, puis c'est vraiment vrai, hein. Ah ouais, ben écoute, je pense que de plus en plus tout le monde, de plus en plus, c'est meilleur. Fait que, et là, on le voit, puis quand même, le qu'on était, c'est les 40 meilleurs joueurs au Canada, là, de moins de 20 ans. Ben ouais, ça, c'est, mais qu'on arrive en décembre, ça va être les 22 meilleurs qui vont rester dans l'alignement. Fait que, c'est quand même, et le Canada, on est quand même évalué comme une des pays les meilleurs. Fait que, je pense que c'est du bon calibre, les 22 joueurs. Fait que je dirais que c'est le meilleur. OK. En terminant, parle-moi des cataractes de Shawinigan. Quel entraînement commence cette semaine? C'est ça? Oui, dans le fond, les recrues, ils commencent mercredi. Ils vont avoir des tournois des recrues qui vont se dérouler jeudi, vendredi, samedi. OK. Fait que ça va être le tournoi des recrues. Puis les vétérans, eux, ils arrivent le 22 août. OK, le 22 août. Puis toi, ben, j'imagine que tu es déjà en préparation puisque pour le match du 25 août. Ben, Samuel, puis quand est-ce qu'il va à Nashville en passant? J'imagine que ça va être autour du début septembre, c'est ça? Je pars exactement le 14 septembre pour okay. Nashville. OK. Ben, Samuel, on va se voir le 25 ou à Chicoutimi, pas Chicoutimi, mais à Robertval, puis au plaisir de te réentendre encore. Yes, merci. Samuel Girard, des Cataractes de Shawinigan.